Vie de Fra Filippo Lippi, peintre florentin. Vie de Fra Filippo Lippi. 1. Fra Filippo, fils de Tommaso Lippi, était moine carmélite. Il est né à Florence, dans une rue appelée Ardiglione, au coin de la Cuculia, derrière le couvent du Carmel. À la mort de son père, il n'était encore qu'un enfant de 2 ans, et le pauvre petit se trouva sans personne pour veiller sur lui, car sa mère était morte peu de temps après l'avoir mise au monde. Il fut donc confié à la garde d'une dame, la Paccia, sa tante, sœur de son père, qui s'occupa de l'élever, mais à grand-peine, étant elle-même très pauvre. Puis, lorsqu'elle ne fut plus en état de le soutenir, elle le fit recevoir dans le susdit couvent du Carmel pour y être moine. L'enfant était alors dans sa 8e année. Or, il se trouva que le petit frère, autant qu'il était adroit et ingénieux pour les travaux manuels, autant il était fermé à l'enseignement des lettres et paresseux à les étudier, se refusant toujours à y appliquer son esprit comme à en goûter l'agrément. Pendant qu'avec d'autres, il suivait les classes du noviciat sous la discipline du professeur de grammaire qui voulait voir de quoi il était capable, au lieu d'apprendre, il passait tout son temps à dessiner des bonshommes sur ses livres et ceux de ses camarades, ce que voyant, le prieur résolut de lui donner toute commodité pour s'instruire à la peinture. Il y avait alors dans l'église du Carmel la chapelle nouvellement peinte par Masaccio, et ses peintures, étant très belles, plaisaient beaucoup à frère Philippe, de telle sorte que tous les jours, pour son amusement, il fréquentait la chapelle. Et là, s'exerçant en compagnie de nombreux jeunes gens qui étaient toujours à dessiner d'après les peintures, il les dépassait de très loin en adresse et en savoir. Aussi tenait-on pour assuré qu'avec le temps, il finirait par produire quelque chose de merveilleux. Et le fait est que, dès sa jeunesse, comme ensuite dans son âge mûr, il a produit nombre d'ouvrages d'une beauté singulière. Peu de temps après, il peignit, en terre verte, dans le cloître, non loin de la consécration peinte par Masaccio, un pape confirmant la règle des carmélites. Et il peignit encore, à fresque, dans maints endroits de l'église, notamment une figure de saint Jean-Baptiste, et plusieurs scènes de la vie de ce saint. Et ainsi, faisant mieux de jour en jour, il avait pris à tel point la manière de Masaccio, et ses ouvrages ressemblaient tant à ceux de ce maître, que bien des gens disaient que l'esprit de Masaccio était entré dans le corps du frère Philippe. Sur un des piliers de l'église, près de l'orgue, il peignit une figure de saint Martial, qui lui valut une grande renommée et qui vraiment pouvait aller de pair avec les choses peintes par Masaccio. Si bien que, s'entendant louer de toutes parts, il s'empressa de dépouiller son habit de moine vers l'âge de 17 ans. Un jour, comme il se trouvait dans la marche d'Ancône et qu'il se promenait en mer dans une petite barque avec des amis, ils furent pris tous ensemble par des pirates mauresques qui faisaient des incursions dans ces parages et qui les emmenèrent en barbarie. Et chacun d'eux fut mis à la chaîne et tenu en esclavage. Et Philippe y resta avec bien des ennuis pendant 18 mois. Mais ensuite, une fois, ayant souvent à être en compagnie de son maître, voici que lui vinrent l'occasion et le caprice de faire le portrait de cet homme. Il prit dans la cuisine un charbon éteint et, sur un mur blanc, dessina en pied la figure du maître avec son habit à la mauresque. Sur quoi d'autres esclaves rapportèrent au maître ce qui leur paraissait à tous un prodige. Car ni le dessin, ni la peinture n'étaient connus dans ces régions. Et ce portrait lui valut d'être délivré de la chaîne qu'il avait été jusqu'alors condamné à porter. Et vraiment, c'est la gloire de cette grande vertu de l'art, qu'un homme à qui est accordé le droit de punir et de condamner soit amené par elle à faire tout l'opposé, et qu'au lieu d'ordonner le supplice et la mort, il se trouve conduit à se montrer affectueux et à donner la liberté. Puis, après avoir encore fait diverses peintures pour le maître susdit, Fra Filippo fut conduit sans encombre à Naples, où il peignit, pour le roi Alphonse, alors duc de Calabre, un tableau à la détrempe dans la chapelle du château, aujourd'hui occupée par la garde royale. De là, il fut pris du désir de retourner à Florence. Il y demeura plusieurs mois et peignit, pour le maître-autel de l'église des religieuses de Saint-Ambroise, un très beau tableau qui le rendit très agréable à Côme de Médicis. Et celui-ci, depuis lors, l'honora tout particulièrement de son amitié. Il peignit aussi un tableau pour le chapitre de l'église Santa Croce, et un autre pour la chapelle de la Casa Medici, où il représenta la nativité du Christ. Il fit encore, pour la femme du susdit Côme, un tableau représentant le même sujet avec saint Jean-Baptiste, tableau destiné à une des cellules que la femme de Côme de Médicis avait fait construire par dévotion dans le couvent des Camaldules, sous le patronage de saint Jean-Baptiste. Enfin, il peignit à Florence quelques petits sujets qui furent envoyés en cadeau par Côme au pape Eugène IV, lequel était vénitien, et ses travaux mirent le frère Philippe en grande faveur auprès du pape. On raconte qu'il était d'humeur si amoureuse que, lorsqu'il voyait des femmes qui lui plaisaient, il aurait volontiers tout donné pour parvenir à s'en faire aimer. Et que lorsqu'il ne pouvait pas y parvenir, il les reproduisait dans ses peintures tout en se raisonnant à rendre plus tiède la flamme de son amour pour elle. Et il était si esclave de cette passion qu'il ne faisait que peu ou point d'attention aux ouvrages qu'il avait en train toutes les fois qu'il se trouvait ressaisi d'un nouvel amour. De telle sorte que, une fois entre autres, Côme de Médicis, qui lui faisait faire un travail, l'enferma à clé dans sa maison pour l'empêcher d'aller perdre son temps au dehors. Mais lui, après être resté ainsi pendant 2 jours, fut envahi d'un accès de sa fureur amoureuse. Si bien qu'un soir, il découpa les draps de son lit avec un ciseau, les noua ensemble, les accrocha à une fenêtre et s'en alla pour plusieurs jours à ses plaisirs. Surpris de ne point le retrouver, Côme le fit rechercher dans toute la ville, jusqu'à ce qu'enfin il fût ramené à son travail. Et Côme, depuis lors, lui donna la liberté de sortir quand il voudrait, s'étant bien repenti de l'avoir ainsi enfermé, à la pensée de sa folie et du danger qu'il avait couru. Aussi s'ingénia-t-il désormais à ne plus le retenir que par des marques d'amitié, et de cette manière il réussit à se faire servir par lui avec plus d'empressement. Et Côme aimait à dire à ce propos que le génie des artistes était une grâce qui venait du ciel et non pas une bête de somme pouvant être attelée de force comme un âne à une charrette. Après cela, Fra Filippo peignit un tableau dans l'église de Sainte-Marie Primerana qui est sur la grand-place de Fiesole. Il y figura une annonciation où il y a une habileté et un soin extrême. Et la figure de l'ange est si belle que vraiment elle paraît une chose céleste. Pour les religieuses du couvent des Murates, il peignit 2 tableaux, une annonciation pour le maître-autel de l'église du couvent et pour un autre autel des scènes de vie de Saint-Benoît et de Saint-Bernard. Au palais de la Seigneurie, il peignit sur bois une annonciation pour être mise au-dessus d'une porte et un Saint-Bernard pour être mis au-dessus d'une autre porte. Et pour la sacristie de l'église du Saint-Esprit à Florence, il peignit un tableau où il y a une Vierge entourée d'anges, avec des saints sur les côtés. Œuvre d'une beauté rare et que nos maîtres ont toujours tenue en vénération très particulière. Dans l'église Saint-Laurent à Florence, il peignit sur bois une autre annonciation pour la chapelle des Operai et une autre encore qu'il laissa inachevée pour la chapelle d'Elia Stufa. Dans une chapelle de l'église des Saints Apôtres, il peignit sur bois une Vierge entouré de plusieurs figures. Il travailla aussi à Arezzo, où il fit, sur la commande de Messire Charles Marsupini, le tableau de la chapelle de Saint-Bernard dans l'église des religieux de Monte Oliveto. Ce tableau représente le couronnement de Notre-Dame, avec nombre de saints alentour. Et il s'est maintenu jusqu'à nous dans un tel état de fraîcheur que l'on croirait que Fra Filippo vient de le peindre à l'instant. Or, il fut dit à Fra Filippo par le susdit Messire Charles à propos de ce tableau qu'il eut à prendre garde à la manière dont il peignait les mains, car le fait est que le dessin des mains était souvent blâmé dans ces tableaux. Aussi le frère Filippo, depuis lors, eut-il soin de cacher le plus qu'il put les mains de ses figures sous des draperies ou bien de les dissimuler par quelque autre moyen pour échapper au blâme. J'ajoute que, dans son tableau d'Arezzo, il peignit au naturel le portrait du dit Messire Charles. À Florence, pour les religieuses d'Anna Lena, il peignit un tableau de la Nativité, et l'on peut voir encore quelques peintures de lui à Padoue. Il envoya à Rome, pour le cardinal Barbo, 2 compositions avec de petites figures, qui étaient très excellemment travaillées et achevées avec beaucoup de soin. Au reste, c'est chose certaine que Fra Filippo travaillait avec une grâce merveilleuse et composait ses peintures avec un fini remarquable. et de là vient que toujours les artistes l'ont tenu en estime et que les maîtres modernes l'ont célébré avec les plus hautes louanges, et que, malgré les dommages causés à nombre de ses œuvres par la voracité du temps, il sera en vénération à tous les siècles futurs. 2. Il demeura aussi de longs mois à Prato, bourg voisin de Florence, où il avait des parents. Il y vivait en compagnie de Fra Diamante, qui avait été son camarade de noviciat au Carmel. Et, en collaboration avec lui, il peignit maintes choses sur tout le territoire de Prato. Or, il arriva que les religieuses de Sainte-Marguerite, lui ayant commandé un tableau pour le maître-autel de leur église, il s'occupait à y travailler lorsque, un jour, il vint à voir une jeune fille dont le père était Francesco Butti, citoyen de Florence, et qui avait été conduite dans ce couvent, soit pour faire ses études ou pour devenir religieuse. Et cette Lucrezia, car ainsi s'appelait la jeune fille, avait dans sa personne tant de beauté et de grâce que Fra Filippo, dès qu'il l'eut vue, fit si bien auprès des religieuses qu'il obtint la permission de peindre un portrait d'elle sous la figure d'une vierge, destinée à leur église. Et, à cette occasion, il s'éprit extrêmement de la jeune fille, et il mit en œuvre tant de moyens et d'efforts qu'il finit par enlever du couvent sa Lucrezia, le jour même où celle-ci sortait pour aller voir l'exposition solennelle de la ceinture de la Vierge, conservée à Prato, et qui est une des reliques les plus honorées de cette place forte. De quoi les religieuses furent grandement scandalisées, et Francesco, le père de la jeune fille, en fut inconsolable. Il n'y eut rien qu'il n'essayât pour avoir sa fille. Mais elle, soit par peur ou pour un autre motif, jamais elle ne voulut revenir. Elle resta donc avec Filippo, qui eut d'elle un fils, également appelé Filippo, et ce fils fut, comme son père, un peintre excellent et fameux. Dans l'église Saint-Dominique de la dite ville de Prato, il y a de Fra Filippo deux tableaux. Dans la nef centrale de l'église de Saint-François, il peignit à fresque une vierge qui fut ensuite enlevée de l'endroit où il l'avait peinte. Et, pour ne point la gâter, on entailla le mur où elle se trouvait. Après quoi, l'ayant encadrée de bois, on la transporta sur un autre mur de l'église où l'on peut encore la voir aujourd'hui. Dans une cour du Ceppo de Francesco di Marco, au-dessus d'une fontaine, il y a un petit tableau de la main de Fra Filippo, où l'on voit représenter la figure du susdit Francesco, fondateur de cette pieuse maison. Pour l'église paroissiale de Prato, Fra Filippo peignit, sur un petit tableau placé au-dessus de la porte latérale, une « mort de Saint Bernard » et la guérison de plusieurs infirmes qui touchent la dépouille mortelle du saint. Il y a là des moines occupés à pleurer leur maître mort, et c'est chose admirable de voir la belle expression de leurs visages représentés à la fois avec infiniment d'art et de naturel dans la tristesse de leur deuil. On y voit aussi des robes de moines qui ont des plis très beaux et qui méritent des louanges infinies, comme d'ailleurs tout le dessin et le coloris et la composition et la grâce et la proportion qui se voient dans le dit tableau, l'une des œuvres les plus délicates et les plus achevées de Fra Filippo. Enfin, le conseil de fabrique de la susdite église paroissiale, pour avoir un souvenir durable de Fra Filippo, lui donna à peindre la chapelle du maître-autel. Et le peintre montra tant de valeur dans ce travail que, en plus de la science et de l'art qu'il y mit, l'on y voit des draperies et des têtes admirables. Il peignit les figures plus grandes que nature. Et il apprit là, aux artistes modernes, cette manière de donner de la grandeur aux figures qui est encore pratiquée aujourd'hui. Il représenta aussi certaines figures avec des vêtements qui n'étaient point ceux dont les peintres d'alors avaient coutume d'habiller leurs figures. Et ainsi, il commença à préparer l'esprit des artistes à se dégager de cette simplicité que l'on pourrait appeler vieillotte plutôt qu'antique. Sur la paroi de droite, il peignit la vie de Saint-Étienne, patron de la susdite église, à savoir la dispute, la lapidation et la mort du premier martyr. Dans le visage de celui-ci, occupé à discuter contre les Juifs, il exprima tant de zèle et tant de ferveur que c'est chose difficile non seulement de le dire, mais de l'imaginer. Comme aussi l'art avec lequel il traduisit, dans les visages et les attitudes diverses de ces Juifs, la haine, l'envie et la colère éprouvé par eux en se voyant vaincu par le saint. mais plus ouvertement encore, il fit apparaître la bestialité et la rage dans la figure de ceux qui jettent au sein des pierres qu'ils ont apportées, petites et grandes, avec d'horribles grincements de dents et des gestes tout cruels et pleins de rage. Et cependant, sous ce terrible assaut, saint Étienne, levant au ciel un visage assuré, nous apparaît implorant le pardon du Père éternel pour ceux qui sont en train de le tuer, et mettant à cette prière une charité et une ferveur merveilleuses. Ce sont là, certes, des expressions infiniment belles et précieuses pour nous faire connaître jusqu'où peuvent aller, en peinture, l'invention et la science de traduire les états de l'âme. Et pareillement, ces qualités s'observent dans les figures de ceux qui assistent aux obsèques de saint Étienne, car le peintre leur a prêté des attitudes si éplorées et nous a montré quelques-uns d'entre eux si abîmés dans la douleur qu'il n'est point possible de les regarder sans en être ému. Sur l'autre paroi, il a représenté la naissance et la prédication de saint Jean-Baptiste, ce saint baptisant, le banquet d'Hérode, enfin la décollation du saint. Dans le visage de saint Jean, occupé à prêcher, nous reconnaissons l'inspiration de l'Esprit divin, et, parmi la foule qui l'écoute, nous voyons les nuances diverses des émotions, et l'allégresse et l'affliction. Et les femmes, aussi bien que les hommes, nous apparaissent tout transportés et ravis sous les enseignements de saint Jean. Dans la scène du baptême se reconnaissent la beauté et l'excellence de l'art. Le banquet d'Hérode nous présente la majesté du repas, l'agilité d'Hérodiade, la stupeur des convives et la désolation de beaucoup d'entre eux pendant qu'est offerte, sur le bassin, la tête coupée. Nous voyons là, autour de la table, nombre de figures fort bien achevées avec de belles attitudes, et quant à leurs vêtements et quant à leurs visages. Parmi ces figures de Prato, Fra Filippo s'est représenté lui-même, d'après un miroir, sous l'habit d'un prélat, et il a peint auprès de lui son élève, Fra Diamante. C'est dans la peinture qui nous montre les obsèques de saint Étienne. Et il faut dire en vérité que cette chapelle de Prato a été la chose la plus excellente qu'il ait faite, aussi bien pour les motifs indiqués plus haut que pour la façon dont il a peint des figures un peu plus grandes que nature, ce qui a encouragé les peintres venus après lui à agrandir leur manière. Il était d'ailleurs si estimé pour l'excellente qualité de son art que bien des choses qui étaient blâmables dans sa vie privée se trouvèrent, pour ainsi dire, recouvertes et rachetées par un si haut degré de vertu artistique. Ajoutons enfin que, dans ses peintures de Prato, il fit également le portrait de Messire Charles, fils naturel de Côme de Médicis, qui était alors prévôt de la susdite église, et nombreux sont les bienfaits que celle-ci a reçus de lui et de sa maison.